En direct avec Anne de Lille, mon jardin mérite un bon coup de frais. Des bons plans pour s'équiper ? Anne, en ce moment, chez Castorama, c'est l'opération Hello les promos dans tous les rayons. Comme avec la tondeuse thermique tractée Performance Power 51 cm, 166 cm3 à seulement 259€. Hello les jolis promos ! C'est l'événement chez Castorama, l'opération Hello les promos. C'est plein de bonnes affaires à saisir dans tous les rayons. Mais dépêchez-vous, c'est seulement jusqu'au 20 mars. Castorama, changer nous fait avancer. 1500 pièces pour tous les magasins participants. Hello, bonjour. France Inter. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, un Léonard de l'art et des dollars, ou l'histoire extraordinaire d'un tableau de Vinci, le Salvador Mundi, devenu le plus cher du monde, vendu il y a quelques années pour la somme gigantesque de 450 millions de dollars. L'événement avait fait l'ouverture de tous les journaux télévisés de la planète. Mais derrière cette appellation convenue de « tableau le plus cher du monde », il y a une histoire folle. Celle d'une planche de bois peinte au XVIe siècle qui disparaît pendant des décennies avant de refaire surface. Une histoire de bataille d'experts, peut-être parfois plus convaincus par des arguments marketing que par leur science de l'histoire de l'art. Une histoire enfin qui montre ce que l'art représente comme arme d'influence sur la scène géopolitique mondiale. Mais oui. Notre invitée aujourd'hui, Isabelle Pasquier, journaliste culture à la rédaction de France Inter, elle a suivi l'histoire folle de ce tableau. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, récit documentaire Sylvie Fagnard, coordination Christophe Barrère, réalisation Stéphane Koum. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Et maintenant, mesdames et messieurs, place à Léonard de Vinci, le Salvator Mundi, le chef-d'œuvre du Christ rédempteur par Léonard. New York, 15 novembre 2017. Chez Christie's, l'une des deux plus grandes maisons de vente aux enchères du monde, la salle est comble. Au marteau ce soir, le Finlandais Jussi Pilkkinen, bien décidé à faire le show. Il faut dire que la vente qui vient de commencer est exceptionnelle. Nous voilà au lot 9 bis. Entre une araignée de Louise Bourgeois et une grande toile de Keith Haring, c'est au tour du tableau que tout le monde attend, le dernier Léonard de Vinci. C'est un petit tableau, 66 cm sur 45, pas plus. Une peinture à l'huile sur bois de noyer. On y voit une figure du Christ, de face, cadré mi-corps, levé la main droite en signe de bénédiction, index et majeur croisé, le Benedictio Latina. Dans l'autre main, il tient une orbe, sphère de cristal transparente, surmontée d'une croix couramment utilisée comme symbole d'autorité depuis le Moyen-Âge, qui sur le tableau se laisse traverser par la lumière sans subir de réfraction importante. Nom de baptême de l'œuvre, Salvator Mundi, le Christ rédempteur, sauveur du monde, proposé ce soir-là au plus offrant. Les enchères débutent à 59 millions de dollars, pour une estimation proposée par la maison de vente à 85 millions. Elles vont durer 19 minutes, haletantes. Sous les murmures grossissants du public, les offres s'envolent. Les enchères viennent de passer le cap des 240 millions de dollars. Deux acheteurs se disputent désormais la partie, quand soudain... 400 millions. millions, c'est une offre. Ici dans la salle sud, à 400 millions avec Alex Rotter, l'offre est ici à 400 millions de dollars. Pour le Salvator Mundi, à 400 millions. François est sorti. Tu es sûr, François ? À 400 millions. Merci à tous pour vos enchères. Je suis au téléphone à ma gauche. À 400 millions, le Salvator Mundi de Leonardo, vendu ici chez Christie's. Pour 400 millions de dollars, c'est adjugé et vendu. Avec les frais à verser à la maison de vente, la facture s'élève à 450 millions, soit 382 millions d'euros. Jamais la valeur d'une œuvre d'art n'avait atteint de telles sommes. Jamais non plus un tableau n'avait pris autant de valeur en si peu de temps. Une histoire d'art et de dollars qui débute au XVe siècle et s'affole au XXIe. Ce qui nous mène au 9 avril 2005. C'est donc ce jour-là que tout commence ou recommence pour le Salvator Mundi. Robert Simon, un marchand d'art new-yorkais, fait défiler sur son ordinateur les pages du catalogue virtuel d'une petite salle de vente de la Nouvelle-Orléans. Il s'arrête sur une vignette, celle du lot 664. Et là, son cœur s'emballe. Comme tous les acheteurs sur le marché de l'art ancien, il chasse les trésors, ces tableaux ou dessins de grands maîtres perdus au fil des ans et dont on ne retrouverait la trace que des siècles plus tard. J'ai décidé d'acquérir ce tableau. Il y avait un autre enchérisseur, mais il n'a fait qu'une offre et s'est arrêté là. Le prix d'adjudication, frais compris, était de $1,175. Dérisoire. Très vite, le New-Yorkais se forge une conviction. Ce qu'il vient d'acheter n'est pas une vague copie, ce n'est pas une œuvre récente, il en est sûr, elle a été peinte du temps de Léonard. Pourtant, le tableau a été endommagé par des tentatives de restauration précédentes, fortement repeint, reverni, de sorte qu'il ressemble à une copie. Une barbe et des moustaches ont été ajoutées, probablement après la contre-réforme, pour adapter l'image du Christ à la physionomie officielle. Il est alors décrit comme une épave, sombre et lugubre. Quoi qu'il en soit, le thème du Salvator Mundi est un best-of de la Renaissance. Et l'atelier du Florentin en a évidemment produit, lui aussi. Mais une chimère fait frémir depuis longtemps les amateurs d'art. Et si le maître lui-même en avait peint une version, la première, dont découleraient toutes les autres? Il faut dire qu'une vieille gravure alimente le fantasme. Celle d'un dessinateur et graveur originaire de Bohême, en activité au XVIIe siècle, Wenceslas Ollard. On connaît de lui une représentation du Christ dans cette position caractéristique du Rédempteur. La légende qui accompagne la gravure dit « Leonardus da Vinci pinxit Wenceslas Ollard fecit aqua forti secundum original ». Traduction du latin, Léonard de Vinci l'a peint, Ollard Wenceslas l'a gravé d'après l'original. Quand Robert Simon déballe son précieux colis, sa conviction se renforce. Oui, il a bien déniché une perle. Alors, il appelle l'une de ses vieilles amies, Diane Modestini, qui était restauratrice au Metropolitan Museum of Art de New York. Le premier nettoyage qu'elle opère sur le tableau montre que l'intuition du marchand était la bonne. Sous l'épaisse couche de vernis, sous les nombreuses restaurations, apparaît une œuvre ancienne d'une grande qualité. Mais la restauratrice n'est pas au bout de ses peines, car le tableau est dans un piteux état et le panneau de bois sur lequel a été appliquée la peinture se désagrège en 5 morceaux. Une fois le support consolidé, Diane Modestini poursuit son minutieux travail de restauration, enlève un à un les outrages que le temps a imprimés à ce Christ. Et la peur au ventre. Oui, j'étais terrifié, se souvient-elle. Imaginez la responsabilité. Je réfléchissais 3 ou 4 fois avant chaque intervention. Au bout de 3 ans de travail, elle révèle une technique admirable. La chevelure montre des boucles délicates en forme d'hélice, l'une des obsessions de Léonard, dont on connaît une multitude de travaux sur ce thème précisément. Et la restauratrice fait une autre découverte majeure. Robert Simon la raconte dans un documentaire tourné par CNN en 2011. Il y avait une sorte d'élément crucial, et c'est à ce moment-là qu'un pentimento, un repentir, a été découvert, et cela avait vraiment à voir avec cet endroit, ici, ce pouce. L'artiste avait initialement positionné le pouce dans un angle différent. Excité, effrayé à la fois, le marchand d'art et la restauratrice sont maintenant persuadés qu'ils ont là, sous leurs yeux, un véritable Léonard de Vinci ressurgi des temps anciens. Voilà pour leur conviction. Mais pour qu'elle devienne une certitude, Simon doit trouver un moyen d'authentifier son tableau. Et c'est à Londres qu'il va le trouver. Bonjour, bienvenue à l'exposition Léonard de Vinci de la National Gallery. Cette exposition est belle, fascinante, rare, passionnante. L'une des images les plus surprenantes de l'exposition est ce mystérieux Christ qui se trouve vers la fin de l'exposition. Elle est surprenante car elle vient d'être découverte, ou plutôt redécouverte. L'homme enthousiaste que vous venez d'entendre est le plus célèbre des critiques d'art anglais, Waldemar Jenschak. Et ce qui suscite sa fougue, c'est une exposition exceptionnelle consacrée à Léonard de Vinci qui vient d'ouvrir à la National Gallery de Londres en novembre 2011. Avec, en clou du spectacle, notre Salvator Mundi. Pour comprendre comment ce tableau, acheté quelques années auparavant un peu plus de $1000, devient la pièce maîtresse d'une expo dans l'un des plus grands musées du monde, il faut retourner quelques années en arrière. En 2008, Robert Simon est donc persuadé d'avoir, par un énorme coup de chance, acheté à Léonard de Vinci un vrai. Pour confirmer son intuition, il bombarde de mails tous les spécialistes de l'artiste. L'un d'eux, adressé au conservateur en chef de la National Gallery, fait mouche. Ce dernier propose au New-Yorkais de traverser l'Atlantique pour présenter sa trouvaille au meilleur spécialiste du peintre toscan. La suite, c'est Martin Kemp, professeur émérite de l'Université d'Oxford et grand spécialiste de l'artiste italien, qui la raconte. J'ai reçu un courrier électronique de Nick Penny, le directeur de la National Gallery, qui me disait en substance « Je pense que nous avons quelque chose ici que vous aimeriez voir ». Je suis descendu dans le studio du conservateur de la galerie. Il y avait le Salvator Mundi. Et il y avait cette présence. Leonardo a une présence, mais un nouveau Leonardo, c'est une chose très rare. Martin Kemp est séduit. Il voit dans le tableau la main de l'artiste auquel il a consacré toute sa vie de chercheur. Dans ce studio de conservation de la National Gallery, pourtant il n'est pas le seul expert de Léonard. Et son sentiment n'est pas partagé. Carmen Bambach, conservatrice au musée de New Yorkais, se montre pour sa part catégorique. Le tableau n'est pas du maître. Seul Martin Kemp, donc, est persuadé qu'un Leonardo a été retrouvé. Un seul avis, mais cela semble suffire à la National Gallery qui place le Salvator Mundi au cœur de son exposition phare autour de Léonard en 2011, aux côtés de 8 peintures reconnues du maître. Cette expo rencontre un succès phénoménal. Les visiteurs se pressent pour toucher ou presque le génie léonardien. Mais dans le petit monde des historiens de l'art, beaucoup sont choqués de la désinvolture du musée londonien. On n'a jamais vu ça. Attribuer une œuvre sur la foi d'un seul expert, reconnu certes, mais bien isolé dans sa certitude de voir la main de Léonard dans ce Salvator Mundi, c'est un too much, surtout quand il s'agit d'une œuvre appartenant à une personne privée et pouvant se retrouver sur le marché de l'art. C'est d'ailleurs ce que ne tarde pas à faire Robert Simon, trouver un acheteur. Mais sans beaucoup de succès, il doit vite se rendre à l'évidence. Malgré la prestigieuse caution de la National Gallery, personne ne se montre intéressé. Il y a bien eu le début de quelques tractations avec le musée de la ville de Dallas, mais les Texans se sont retirés sans conclure, par manque de moyens. Heureusement, pour faire vivre les marchands d'art, il reste les milliardaires. Et en particulier, en ce début des années 2010, les oligarques russes, qui dépensent sans compter leurs milliards acquis au moment de la chute de l'URSS. Le marchand new-yorkais contacte donc l'un des plus riches et aussi des plus discrets, Dmitri Ribolovlev, connu en France pour être depuis plus de 10 ans le propriétaire de l'AS Monaco, le club de foot de la principauté. Le milliardaire passe une demi-heure en tête-à-tête avec le Salvator Mundi dans son appartement new-yorkais de la 5e avenue et se fait sa religion. Il va acheter ce mystérieux Léonard de Vinci ressurgi du passé. Montant de la transaction, conclue en avril 2013, 127 millions et 500 000 euros. Voilà, l'histoire du Salvator Mundi aurait pu s'arrêter là. Et le tableau, après tant de péripéties, s'endormir dans un coffre de l'un de ces ports francs qui abritent de Genève jusqu'à Singapour les biens inestimables des ultra-riches. Mais moins de 2 ans après son rachat, le Russe décide de se séparer de la plus grande partie de sa collection d'œuvres d'art pour une valeur totale de presque 2 milliards d'euros. Bien, mais pourquoi ce changement de pied dans sa stratégie de dépenses ? Eh bien, il se trouve que l'oligarque est furieux. Cible de son courroux, un certain Yves Bouvier, à la tête d'une grosse entreprise de déménagement, l'un des hommes forts de Genève. Il est le patron du port franc de la cité helvétique et développe par ailleurs des activités de conseil en achat de toiles de maître. Au fil des ans, Bouvier est devenu l'homme de confiance de l'oligarque pour ses emplettes de tableaux. Par son entremise, Riboloff s'est offert des Modigliani, un Van Gogh, des Picasso, deux Naffia de Monet, un Gauguin et même notre Léonard de Vinci. Mais le 25 février 2015, la lune de miel prend fin brutalement. Sensible sur France Inter. Le milliardaire russe a porté plainte contre Yves Bouvier. Il l'accuse d'avoir réalisé des marges exorbitantes, 1 milliard d'euros, sur son dos. Riboloff aurait payé sa collection le double de son prix. Pour le Vinci, la plus-value n'est pas négligeable. Facturé 127 millions à Riboloff, le tableau aurait été payé 83 millions par Bouvier. Alors celui-là, comme les autres, le Russe ne peut plus les voir en peinture. Il donne donc mandat à Christie's pour vendre le Salvador Mundi. Et lui en promet au minimum 100 millions. C'est le responsable du département d'art contemporain, Loïc Gouzer, qui s'engage auprès des milliardaires à ce qu'il rentre en partie dans ses frais. Ils se connaissent depuis longtemps, avec Riboloff, un gros client de Christie's. Gouzer, lui, est un jeune homme ambitieux, imaginatif. Pour cette vente, pas comme les autres, il décide, une fois n'est pas coutume dans la vieille et respectable maison de vente, d'user de toutes les ficelles du marketing. La vente publique du Salvator Mundi est donc annoncée à la manière de la sortie d'un blockbuster. L'opération intitulée « The Last Vinci », comme un écho d'Avicii Code, fait partir le tableau en tournée mondiale avant la vente, prévue le 15 novembre 2017 à New York. Los Angeles, Hong Kong, Londres, San Francisco, le Christ sauveur du monde s'offre aux yeux des visiteurs curieux qui se pressent en longue file pour admirer le dernier chef-d'œuvre du maître italien. Ils l'ont installé dans une salle au mur noir à l'ambiance sépulcrale. Et ils ont mis une caméra pour filmer la réaction des gens. Tous ces syndromes de Stendhal, ces sanglots face au tableau. Christie's tire même un film de cette rencontre entre le Salvator Mundi et le public. Son titre, The Last Da Vinci The World Is Watching. Pendant plus de 4 minutes, au son lancinant d'un violoncelle, les images défilent sur un fond noir qui met en exergue les expressions des visages, émerveillés, émus aux larmes, extatiques. On y aperçoit même un autre Leonardo, DiCaprio, cette fois, qui sourit aux anges sous sa casquette. C'est comme si on leur avait amené Jésus-Christ lui-même, se réjouit dans la presse Loïc Gouzer. Une façon, comme l'avait fait en 2011 la National Gallery, de mettre l'émotion au cœur de l'histoire de ce tableau, dont il faut gommer l'origine toujours incertaine. Loïc Gouzer a une autre idée géniale pour que la vente atteigne les 100 millions d'euros promis au propriétaire Dmitri Ribolovlev. Insérer le tableau, peint au début du XVIe siècle, dans une vente d'art contemporain. Les acheteurs y sont moins regardants et s'offrent surtout un nom. Et quel nom peut faire courir davantage que celui du génie Léonard de Vinci. Et ça marche. Christie's et Loïc Gouzer remportent leur pari, bien au-delà de ce que ne pouvait espérer Dmitri Ribolovlev. Le milliardaire va plus que rentrer dans ses frais, puisque pour un tableau acheté trop cher, estime-t-il, 127 millions et demi, il va en empocher 400. Le tableau de Léonard de Vinci, acheté 126 dollars dans une vente il y a un demi-siècle, a battu tous les records d'enchères hier. Il a été vendu pour 450 millions de dollars. Les Femmes d'Alger de Picasso, parties pour moins de 180 millions, fait pâle figure à côté. Le Salvatore Mundi s'est envolé en 19 minutes. L'acheteur ne nous a pas laissé de carte de visite. Mais qui a acheté le Salvator Mundi? Un grand musée? À ce prix-là, sûrement pas. La question brûle toutes les lèvres. À titre de comparaison, le budget d'acquisition de nouvelles œuvres au Louvre tourne autour des 5 millions annuels. Doublé les bonnes années, d'ailleurs, grâce aux dons de mécènes, vous voyez qu'on ne joue pas tout à fait dans la même catégorie. Le mystère du nouveau propriétaire de notre sauveur du monde est rapidement levé. Trois semaines après la vente record, le New York Times sort l'info. L'acheteur serait un obscur prince d'Arabie Saoudite, inconnu jusque-là des collectionneurs d'art et qui serait en fait le faux-né du prince héritier du royaume, Mohamed Ben Salman. D'une querelle de spécialistes de la peinture de la Renaissance, d'une affaire de gros sous, le Salvator Mundi se transforme en instrument géopolitique. Dans un secret d'info sur le soft power saoudien, l'historien de l'art Jacques Franck explique au micro de Philippe Reltien ce qu'un tel tableau peut représenter pour le pays. La possession d'une œuvre d'art de premier ordre, et même exceptionnelle, c'est évidemment tout le prestige d'un État. C'est une image... Je dirais une espèce d'archétype de la culture dont l'État ne peut que bénéficier, comme la Joconde, c'est évident. Pour les Saoudiens, ce Salvator Mundi, ils espéraient peut-être que ce soit leur Joconde. Que c'était la Joconde du Golfe. Il y aurait un frère à la Joconde. Le fait de posséder un véritable Léonard de Vinci, c'était un prestige absolu. C'était quasiment le mythe, l'Eldorado, et c'était totalement inespéré. Une Joconde masculin pour faire rayonner l'Arabie Saoudite. Pendant que les supputations se multiplient sur les motivations du prince, le Salvador Mundi, lui, reste invisible. Le Louvre d'Abu Dhabi, aux Émirats voisins de l'Arabie Saoudite, annonce bien une grande expo autour du tableau pour le 18 septembre 2018. Mais au début du mois, par un simple tweet, le ministère de la Culture des Émirats annonce que l'accrochage de l'œuvre est reporté indéfiniment. Pourquoi ? Les raisons de ce report restent encore aujourd'hui mystérieuses. Alors, les mois passent et plus personne n'évoque la présentation au public des tableaux. En vérité, de la façon la plus clandestine qui soit, le Salvator Mundi se trouve à ce moment-là non pas à Riyad, ni à Abu Dhabi d'ailleurs, pas plus que dans un coffre-fort à Genève, non. Il est à Paris. où il est examiné sous toutes les coutures par le laboratoire le plus prestigieux d'histoire de l'art, attaché au musée du Louvre, le centre de recherche et de restauration des musées de France. L'Arabie Saoudite et le Louvre sont en effet entrés dans une phase de négociation intense autour du portrait du Christ. En ce dernier trimestre 2018, le musée prépare une exposition monstre autour de l'artiste toscan pour célébrer le 5e centenaire de sa mort. Le Louvre possède 5 tableaux du maître, la plus grande collection au monde de Vinci. Alors, accroché à leur côté, le mystérieux Salvator Mundi, désormais estampillé œuvre d'art la plus chère de tous les temps, rendrait la rétrospective encore plus attractive. Mais comment la présenter? Hardiment, comme son homologue britannique en 2011 l'attribuait à la main seule du maître, ou indiquer sur le carton explicatif qu'il s'agit d'une œuvre de Léonard et de son atelier. Une peinture réalisée par des assistants, en somme, mais auquel le maître n'aurait consacré son génie que quelques instants. Un véritable dilemme que résumait Anthony Bélanger sur France Inter le 20 février 2019. Doit-on ou non y faire figurer le Salvator Mundi sur lequel il reste des doutes d'authenticité? C'est décisif, hein, parce que si le Louvre, qui possède le plus grand nombre de peintures de Vinci au monde, ainsi que des centaines de dessins et croquis, et donc une expertise extrêmement précieuse, si le Louvre donc l'expose en octobre, il certifie le tableau et l'attribution devient marquée du sceau du prestige du plus grand musée du monde. Mais le Louvre, évidemment, joue gros, il joue sa réputation. Imaginez que le Salvator Mundi, dans quelques années, soit finalement reconnu comme un simple travail d'atelier, le Louvre frisera le ridicule. En matière d'art ancien et d'expertise, le ridicule tue, et notamment une solide réputation de sérieux. Une analyse argumentée des données produites par un labo réputé tel que celui du Louvre, voilà qui lèverait définitivement les doutes. Mais alors que l'expo va ouvrir ses portes, en octobre 2019, la présence du Christ Rédempteur est toujours en suspens. Comme le souligne dans le JT de France 2, à quelques jours de l'inauguration, le commissaire de l'expo, Vincent Delieuvin. Viendra, viendra pas, faut-il espérer le Salvator Mundi, 450 millions de dollars, le tableau le plus cher du monde? Alors le Salvator Mundi, il est toujours demandé en prêt par le musée du Louvre et on attend la réponse définitive du propriétaire. Le Louvre va attendre longtemps. La grande rétrospective Léonard ferme ses portes en février 2020 sans jamais avoir accueilli la mystérieuse peinture. Si le Christ n'est pas là en personne, on en trouve tout de même la trace dans le parcours d'expo. La numérotation des œuvres n'est pas continue, comme s'il manquait une pièce maîtresse, toujours attendue. Le tableau est en revanche bien mentionné dans le catalogue de l'expo. Les commissaires y détaillent son histoire et la controverse scientifique de ces dernières années. Il déroule les arguments des uns et des autres sur l'attribution de la peinture, mais ne tranche au final ni dans un sens ni dans l'autre. Pour prêter son précieux tableau du Louvre, on l'apprendra plus tard, le prince Ben Salman avait des demandes bien précises. Tout d'abord que son Christ figure à la meilleure place, oui, juste à côté de la Joconde. Inacceptable pour le musée. Déjà pour des raisons pratiques. Pour éviter une gestion des foules compliquée, eh bien le Louvre a renoncé à déplacer Mona Lisa au sein de l'expo. Elle restera dans ses quartiers, salle des États. Les Saoudiens auraient aussi aimé que le tableau serve de signature visuelle à toute l'exposition. Sur les affiches, sur les tickets d'entrée, sur le catalogue. Ce qui est simplement impensable pour une œuvre qui n'appartient pas au musée. Enfin, les propriétaires auraient une dernière revendication. Si leur Salvator Mundi était exposé, le cartel, cette petite notice accompagnant chaque œuvre dans un musée, ne doit mentionner que le nom du seul Léonard. Surtout pas évoquer la possibilité que la peinture puisse être une œuvre collective du maître et de son atelier. Alors, est-ce sur ce dernier point que les négociations achoppent définitivement ? C'est ce qu'affirme un documentaire diffusé sur France 5 en avril dernier et réalisé par Antoine Witkin. Sur la foi de témoignages anonymes de fonctionnaires du ministère de la Culture et des Affaires étrangères, Il affirme que c'est Emmanuel Macron lui-même qui a tranché et qui a refusé de se plier au diktat du prince. La thèse de ce documentaire, ce refus aurait reposé sur l'expertise du Louvre qui n'aurait pas voulu attribuer au seul Léonard la réalisation de l'œuvre. Mais la veille de la diffusion à la télé de cette enquête, coup de théâtre, plusieurs journalistes affirment qu'un document jusque-là secret change la donne. Des journalistes, dont Isabelle Pasquier, qui dévoile cette petite bombe au micro de France Inter. Ce livret de 46 pages est fascinant car il détaille les résultats de l'expertise effectuée par le très sérieux centre de recherche du Louvre. Des résultats qui sont une bombe, un secret d'État, car il devait rester confidentiel si le tableau n'était pas dans l'exposition. Verdict, le Salvator Mundi est bien une œuvre de Léonard de Vinci. Jean-Luc Martinez, le président du Louvre, écrit « Les résultats de l'étude historique et scientifique permettent de confirmer l'attribution de l'œuvre à Léonard de Vinci. » Voilà, on connaît enfin la fameuse analyse du labo de pointe dans les œuvres d'art. Son histoire est également rocambolesque, décidément, comme tout ce qui concerne ce tableau. Car ce n'est pas le Louvre lui-même qui a rendu public cette analyse de façon officielle. L'œuvre ne lui appartenant pas, il n'est pas possible pour le musée de divulguer ces informations sans l'accord du propriétaire. La direction refuse de répondre aux questions sur le sujet et se montre ambiguë sur l'existence même de l'analyse. Pourtant, ce livret existe bel et bien. Plusieurs journalistes en ont été destinataires. Comment ? Des sources bien intentionnées au sein du musée auraient-ils fait fuiter le document ? En tout cas, il a été mis en vente une demi-journée à peine à la boutique du Louvre. Mais le musée a toujours refusé de livrer des explications à ce sujet. Dans ce flou, les spéculations continuent d'aller bon train. Le mois dernier encore, le musée du Prado de Madrid affirmait dans le catalogue de l'une de ses expositions que le tableau ne pouvait pas être de la main du seul Léonard. Les mystères continuent donc à nimber notre Christ sauveur du monde, qui est resté invisible depuis sa vente. À Christie's, le reverra-t-on jamais pour lever définitivement les doutes sur son attribution ? Rien n'est moins sûr, évidemment. Check. Pay me in equity. Watch me reverse out of dicks. He got a bad bitch. We live in lavish. I get expensive fabrics. I got expensive habits. He wanna go with me. He likes to roll away. He wanna be with me. He wanna give me that vitamin D. Give me the ball, take a top shift. Call my girls and put them all on a spaceship. Hang one night when y'all say I'll make you famous. Have you ever seen a stage going ape shit? Step my money fast and go. Fucking coupe, finna pull up in the zoo. I'm like, Chief, keep me Rafiki, who been Lion King to you? Pocket watch it like kangaroos. Tell these clowns we ain't amused. Man, the clips for that monkey business. 4-5 got change for you. Motorcades when we came through. Presidential with the planes too. Went better get you with the residential. Undefeated with the cane too. I said no to the Super Bowl. You need me, I don't need you. Every night we in the end zone. Tell the NFL we in stadiums too. Last night was a fucking zoo. Stage diving in a pool of people. Ran through Liverpool like a fucking beetle. Smoking Rilla glue like it's fucking legal. Tell the Grammys, fuck that 0 for 8 shit. Have you ever seen a crowd going ape shit? Chains. I don't give a damn about the fame. Nope. GA planes, Alexander Wayne. Woo. She a thought that you claim. Woo. Can be typing my ring. Oh. And I'm popping my bitches, I'm popping. We go to the dealer and cop it off. Sipping my favorite red alcohol. Got me so lit, I need Tylenol. All of my people are free, I'm on. I feel no one wanna see the stars. Sending the missiles off. Tricking my inhibitions out. 250 for the rich and meal. Yeah, yeah, living a feel. My body make jigger go near. Man, my mama, my lord, my shield. Look at my jewelry, I'm lethal. These diamonds on me, they see through. I'm a Martian, they wishing they equal. I got M's off the back of Ibiza. Give me the ball, give me the ball. Take a top shift. Call my girls and put them all on a spaceship. Hang one night with young, say I'll make you famous. Have you ever seen a crowd going ape shit? Step my money fast and go. Take a top shift, call my girls and put them all on a spaceship. Hang one night with young, say I'll make you famous. Have you ever seen a crowd going ape shit? Step my money fast and go. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'histoire du Salvator Mundi, le tableau le plus cher du monde, dont nous allons parler avec notre chère Isabelle Pasquier. Bonjour. Bonjour Fabrice, bonjour à tout le monde. Notre Isabelle Pasquier à nous, journaliste culture à la rédaction de France Inter. Faites comme chez vous et dites-moi déjà, vous, si vous avez une idée de l'endroit, parce que je commence par la question difficile, hein, de l'endroit où se trouve en ce moment le Salvator Mundi. Bon, il n'est pas dans mon frigo. C'est une question quand même à 450 millions de dollars, imaginez. Et c'est vrai que c'est une question qui tient du secret d'État. Alors, je pense que si on offrait quelques missiles à notre cher Mohamed Ben Salman, peut-être aurions-nous quelques indices, mais je n'en suis pas sûre, pour nous dire où se trouve ce Salvator Mundi. En tout cas, moi, je n'imagine pas qu'il est sur un yacht, des nombreux yachts du prince héritier, qui naviguerait comme ça sur les flots, ballotté en mer des Caraïbes, au risque d'un naufrage ou de pirates qui seraient très très bien informés. Je pense qu'il est en lieu très très sécurisé, qu'il est dans un très beau coffre-fort en Arabie Saoudite, ou pourquoi pas dans un port franc, on a cité Genève, Singapour. Isabelle Pasquier, on va revenir sur ce livret qui vous tombe du ciel. On pourrait dire, en tout cas numériquement, sur mon ordinateur. Voilà, et on va pas vous demander qui, parce que c'est le secret des sources. Mais qu'est-ce que vous ressentez quand ça arrive? Vous hallucinez? J'hallucine parce que le verdict, c'est un choc, hein, vous l'avez dit, le verdict du centre très très prestigieux et qui semble, enfin franchement on peut pas remettre en question le verdict de ce centre de recherche du Louvre, le verdict est clair, c'est un Léonard, il y a même pas, avec peut-être la participation de l'atelier, c'est du 100% Léonard. Et là, c'est vrai que c'est incroyable. Il y a la préface du président du Louvre qui dit très clairement « c'est un léonard ». Et puis, il y a tous les arguments des chercheurs de ce centre de recherche avec la présence extraordinaire de ce personnage qui est saisissante, cette présence de ce sauveur du monde. Mmh. Ce Christ, on se dit avec le sfumato, avec les boucles qu'adorait Léonard, avec la carnation de la peau. Enfin, un visage presque féminin, d'ailleurs. Féminin, oui, androgyne, comme beaucoup de ces personnages, puisqu'on a dit que la Joconde aussi avait un côté masculin. Donc, vraiment, un visage, en tout cas, qui fait fonctionner tous les fantasmes. Et c'est vrai que là, c'est très argumenté. On se dit, on ne peut pas remettre en question ce verdict du Centre de Recherche du Louvre. Et on est en état de choc, d'autant que, vous l'avez dit dans ce magazine préalable, c'est à la veille de la diffusion d'un documentaire qui est à charge par rapport à l'authentification du tableau et à son attribution à Léonard de Vinci. Ça remet tout en question à la dernière seconde. Et les spécialistes donnent des indices irréfutables pour dire ouais mais c'est un vrai Vinci, ça peut pas être un vrai. Il y a j'imagine qu'il y a des arguments, c'est je sais pas si vous vous en souvenez, c'est à peu près si, mais des arguments qui font que oui, on peut dire que c'est un Vinci. Comment vous savez, il y a déjà la main gauche. Donc ça, à l'analyse scientifique, on voit que c'est des traits de la main gauche. Okay. Sauf que on va en parler, mais il y a notamment dans l'atelier de Léonard, certainement son amant qui l'appelait Petit Diable, Salaï, qui est aussi gaucher et qui est très très doué. Donc voilà, il y a eu aussi là-dessus quand même des hypothèses. Mais c'est vrai qu'il y a la présence, comme je vous le disais, il y a les boucles, la carnation, le sfumato, beaucoup d'éléments. Malgré tout, on s'interroge toujours. La science n'est jamais imperfectible, elle va certainement évoluer, donc peut-être qu'un jour on reviendra là-dessus. C'est possible, je n'en sais rien, alors qu'il est le verdict c'est un Léonard. Même si, on l'a dit dans ce magazine préalable, le Prado remet en question, enfin certains experts du Prado remettent en question ses expertises venant du Louvre. Je me dis finalement, au bout du compte, et si c'était une œuvre collective des disciples de Léonard, de son atelier, est-ce que ça changerait vraiment, vraiment quelque chose ? Ah, totalement. Totalement. Bah, totalement, parce que Léonard, c'est Léonard, quoi. Ouais. Enfin, j'entends bien, mais. Déjà, au niveau de l'argent, vous imaginez que ça peut pas être signé. Ça, c'est clair. Atelier et pas attribué à Léonard, c'est pas 450 millions de dollars. C'est impossible. Ce qui est intéressant, c'est quand même de se demander pourquoi ce livret atterrit comme ça sur les ordinateurs de rares journaliste dans le monde. Pourquoi ? Alors, on est à la veille, imaginez le contexte, on est à la veille donc de la diffusion de ce documentaire, à charge, par rapport à l'authentification, à l'attribution à Léonard. Moi, j'imagine que notre cher prince héritier d'Arabie Saoudite n'était pas très très content. Il a eu un petit coup de sang, là aussi, ce jour-là, en apprenant que ce magazine allait au monde entier expliquer qu'il avait acheté, pas une croûte, mais en fait un faux Léonard, un simple atelier de Léonard de Vinci. C'est pour lui absolument, à mon avis, inacceptable, sachant qu'il a les résultats, lui, du laboratoire, et qu'il sait qu'on lui attribue la toile à Léonard de Vinci. Donc on imagine un petit coup de fil à l'Élysée en disant « vous faites en sorte que tout ça soit remis en question, démenti, et qu'on affirme au monde entier que j'ai bien acheté un Léonard ». Et Emmanuel Macron s'est investi personnellement dans cette affaire. Oui, c'est lui qui décide. Hein, déjà, qui décide, on l'a vu par rapport à l'exposition. Il refuse tous les diktats de MBS. Hein. Cela dit, c'est vraiment des diktats, effectivement. Totalement. Enfin, les demandes. Sachant que la Joconde, au-delà de la gestion des flux du public, parce que tout le monde serait venu voir essentiellement, enfin encore une fois, la Joconde, on sait très bien qu'elle ne bouge pas. Elle est trop fragile, la demoiselle. Elle ne quitte pas sa chambre. Bien sûr, bien Donc, il y avait la gestion des flux, il y avait la fragilité, et puis c'était absolument inacceptable. Donc, on n'était pas loin de l'affaire d'État ? Ou est-ce que c'est un petit peu exagéré ? Non, ça l'est jamais, je pense. On était une fois de plus au cœur d'un problème de diplomatie culturelle. Mmh. Et puis, comme je commençais à vous le dire tout à l'heure, il y a toujours ces enjeux, des enjeux économiques et culturels avec l'Arabie Saoudite, puisqu'on va être, on est déjà impliqué, on est au cœur d'une coopération scientifique, notamment par ce site archéologique Alula, qui est un site très important au niveau archéologie, qui va être vraiment la vitrine, qui est déjà la vitrine pour le tourisme culturel en Arabie Saoudite. Tout ça, ça fait quand même toute une affaire de diplomatie culturelle, de soft power, qui est assez complexe. Mais aujourd'hui, on peut imaginer qu'MBS est très fier d'avoir son Léonard et il attend de le sortir. Ah oui, Alors, quand même, le labo du Louvre, moi j'ai le sentiment qu'il est saisi assez tard, parce que avant, il y a un National Gallery, il y a tout un tas de personnes qui examinent, mais pourquoi le Louvre, alors qu'il est considéré, je crois, comme l'un des meilleurs, sinon le meilleur labo du monde, d'analyse des œuvres, pourquoi il arrive dans l'histoire aussi tard? Bah, il arrive aussi par rapport à l'événement qui est la grande exposition anniversaire, commémoration, hommage à Léonard de Vinci. Oui. Et voilà, ce qu'il faut, c'est MBS choisit le centre de recherche, a priori, le plus légitime scientifiquement. Et ça arrive à ce moment-là, à peu près, avec l'exposition. Et donc, ce labo, il est c'est vraiment l'un des plus réputés au monde, ce labo du Louvre, ce qui ne serait pas forcément étonnant, d'ailleurs, vu le prestige du Louvre. Bien sûr, il en va effectivement de la légitimité du Louvre. Hein. Mmh. Et là, c'est vrai que s'ils n'ont pas voulu aussi le publier, c'est qu'ils n'en avaient pas le droit, sachant que l'œuvre ne leur appartient pas. Les résultats de l'expertise scientifique ne pouvaient être divulgués qu'avec l'autorisation du prince héritier. Alors comment ce tableau a-t-il pu atteindre quand même une telle somme? Aujourd'hui, c'est avec tous les mystères qu'il y a autour, évidemment, ce sera un produit dont on connaîtrait tout, la provenance, absolument précise. Alors on dit que c'est un Vinci, mais enfin, il y a quand même du mystère autour. Et il atteint une somme incroyable, juste parce que c'est Leonardo da Vinci. Oui, et puis c'est un miracle, comme on disait au début. Ouais. Il n'y a pas 50 000 Léonards qui vont arriver un jour comme ça en salle des ventes. C'est un miracle, ça n'a pas de prix, c'est nos limites. Et pour Mohamed Ben Salman, c'est sans limite aussi. Il veut son trophée, il veut ce symbole pour le prestige de son pouvoir. Alors certains experts comme Martin Kemp, l'historien de l'art qui est le premier authentifie le tableau disent qu'ils sont sollicités tous les jours pour venir authentifier un Léonard retrouvé. C'est étonnant, il est possible de retrouver des Léonards qui traînent. Alors tout est possible, mais en fait, là, je crois que ça tient vraiment quand même du fantasme. Ouais. Je suppose que tout le monde rêve de trouver un Léonard au Puce de Saint-Ouen. voilà, mais il faut continuer à rêver parce que Léonard continue à nous faire fantasmer. Ça, je trouve que c'est peut-être le plus merveilleux de tout son art. Mais voilà, ce sera assez rare. Ce qui est sûr, c'est qu'on retrouve encore, par exemple, en juillet dernier, il y a un dessin qui n'était pas retrouvé, mais qui appartenait à un propriétaire, qui a quand même. C'est un dessin vraiment de la taille presque d'un timbre-poste. Mmh. Entre un post-it et un petit timbre-poste, il a quand même, c'est une petite tête d'ours, juste un dessin, plus de 10 millions d'euros. Donc il n'y a pas de prix. Ça tient du miracle de l'extraordinaire. Merci infiniment, Isabelle Pasquier. C'était un plaisir de parler avec vous de Léonard de Vinci. Un plaisir partagé, merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, un Léonard de l'art des dollars, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Philippe Duclos. Et j'en profite pour remercier toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire, Gaspard Vallu, Guillaume Ballandras, Adrien Cara et Adrien Mora. Documentation sonore, Claire Tesser. Chargée de programme, Rebecca Donnant. Coordination, Franck Cognard. Réalisation, Hélène Biziou, Frédéric Milano et Stéphane Combe.